Chapitre 3e, deuxième nuit. Le vent harcèle la promenade, et les galets qui se prélassent écoutent et boivent et se délectent du doux chant que la mer murmure. Christophe aimait penser à Sévère avant de s'endormir. Il les avait écrits dans sa jeunesse et il lui était revenu en mémoire lorsqu'il avait connu Marie à cause de la suite. Ces jeunes pierres jouent et s'ébattent dans l'eau claire. Elles t'éclaboussent. Chaque caillou veut effleurer ton tendre et joli corps, il te caresse. Christophe était fou du corps de Marie, et il pensait quelquefois que le monde entier devait partager cette douce folie. Il aimait tout de ce corps, surtout sa densité voluptueuse, ses odeurs délicieuses, qu'il essayait de conserver sur lui le plus longtemps possible. Après leur rencontre, il évitait de se laver les mains pour garder l'arôme de son sexe. Les mouettes noient leurs couleurs à l'écume qui orne les eaux, elles tournent. Ces beaux oiseaux ensoleillés se posent sur ton ombre qu'elle préfère. Quel bonheur de la voir l'été dernier sur la plage. Elle avait pu passer 2 jours dans sa famille et ils s'étaient vus l'après-midi. Il avait pu faire vivre les mots de son poème et leur donner leur couleur définitive. Le soleil arrose la plage de ses rayons de bonheur, les larmes aux yeux. Cette boule colorée se mire dans tes cheveux de feu. Marie était brune. Christophe ne pouvait pas se permettre de changer une partie de ce poème qui ne lui appartenait plus. Il était la propriété d'un jeune homme timide de 17 ans. Le ciel baisse les yeux devant les tiens si bleus. Ses rêves devaient certainement commencer par du bleu sombre mais lumineux. La vie avec un filtre bleu, pourquoi pas? Des fleurs. Il y avait des fleurs partout et de toutes les couleurs posées sur le sol, dans de jolies vases de cristal, dans de vastes corbeilles accrochées aux rideaux, débordant des tiroirs, des roses surtout. La femme se promenait parmi elles et en cueillait une de temps en temps qu'elle regardait négligemment et laissait tomber sur le sol. Certaines fleurs essayaient de s'accrocher à son poignet en s'enroulant avec leurs tiges. Ces tentatives la faisaient sourire. Elle les enlevait doucement pour ne pas leur faire de mal, les portait à son nez ou à sa bouche et les laissait glisser par terre. La femme semblait nue. On distinguait à peine ses formes. Elle allait de bouquet en bouquet, avec grâce, en évitant de piétiner les fleurs tombées à terre. Elle passait par moments devant une main tendue qui tenait une fleur magnifique à l'odeur magique. Elle s'approchait très près d'elle pour sentir ce parfum délicieux. Elle baissait les paupières, et son visage disparaissait avec ses yeux. Cette vision faisait un peu peur, mais la main ne semblait pas effrayée. Elle continuait à tendre la fleur, immobile, et quand la femme était vraiment à côté, elle lâchait la fleur pour attraper la femme, mais celle-ci rouvrait les yeux et éclatait de rire, gentiment et même tendrement. Puis la main tendait à nouveau une belle fleur, et la belle poursuivait sa ronde. Le petit garçon demande « Quel jour sommes-nous, monsieur ?»« Nous sommes 5 jours avant Marie, mon petit. » Le petit garçon écrit sur son grand cahier. Sa tête, un peu inclinée, suit les mouvements du stylo sur la feuille. Il est spectateur, il est créateur et il est acteur. Ses idées tombent de sa tête sur sa main qui dépose les mots sur le papier. Ses yeux émerveillés découvrent les mots rangés sur le cahier. Quelquefois, il trace un trait horizontal et chasse une phrase infidèle qui trahit sa pensée. Il a beaucoup de choses à écrire sur son grand carnet. Il voit et il sent tout. Il devine ce qu'on ne lui dit pas. Il interprète les regards et les silences, la place des choses et leurs mouvements. Il note les détails qui le surprennent et toutes les découvertes de la journée. Il utilise son langage à lui et son alphabet et ses signes, et il est impossible de comprendre ce qui est écrit. C'est beau, c'est harmonieux, c'est coloré, semble-t-il, mais c'est incompréhensible. Pourtant, il faut savoir lire ce carnet. C'est indispensable, c'est vital. Il faut essayer et essayer encore. Et maintenant c'est un homme qui écrit. On ne distingue pas son visage qui est dans l'ombre. On ne voit que la main qui trace les mots en tremblant un peu. L'écriture est petite et difficile à déchiffrer. Il y a des phrases roses et des phrases noires, surtout des noires, qui mettent mal à l'aise le lecteur mais qui soulagent le rédacteur. On dirait qu'il essaye d'attraper la vie avec son stylo pour la coucher sur son cahier. Il n'y a aucune rature. Les mots coulent directement sans hésitation. L'encre qui noircit le papier semble venir directement de la main et peut-être du cerveau caché. C'est sa vie qui s'étale sur la feuille, petite et très sombre. Il écrit de l'amour et du désespoir avec le même rythme tranquille. Puis il relit ce qu'il vient d'écrire et ce qu'il a écrit avant, et il semble étonné et triste à l'agonie. La ressemblance avec la photo ne faisait pas de doute. Il avait les cheveux blancs, non coiffés, ébouriffés ça et là en épi. Il ne regardait pas les choses autour de lui, elles ne semblaient pas l'intéresser. L'autre homme s'arrêta à côté, son visage était la réplique exacte du premier, mais ses cheveux blancs étaient peignés. Qui devait-il suivre? Qui devait-il être? Cette femme, qui n'était pas la femme, avance vers moi depuis le fond du couloir, habillée avec les vêtements de la femme, ses yeux qui avaient la même couleur et la même forme que les yeux de la femme, mais qui n'étaient pas les siens, me souhaitant la bienvenue, sur un ton de voix aussi semblable que celui de la femme. Je l'entendis prononcer son nom avec la voix de la femme, presque plus chaude que jamais, et je voulais que ce soit l'obscurité pour qu'elle devienne la femme. Le robot d'acier lève son bras, saisit la poupée par la tête et la pose sur la table, puis s'immobilise. Rien ne bouge comme sur une photo. À l'intérieur du robot, les circuits imprimés sont, eux, actifs, mais on ne peut les voir que de l'intérieur. Vu de l'extérieur, le robot semble figé. On dirait qu'il attend que la poupée lui fasse un signe ou lui parle. Ses yeux morts la fixent et l'auscultent. La poupée blonde a un visage et un corps de femme. Elle est habillée de façon provocante et maquillée comme une prostituée. Le robot ne bouge pas. Il cherche le bon programme dans ses circuits, patiemment. Il sait qu'il est là, lui aussi, comme tout le monde, mais il ne le trouve pas. Il le cherche encore et va le chercher, comme à chaque fois, pendant des heures. Et chaque mouvement des aiguilles de la pendule le pousse vers l'autre programme qui a envahi sa carcasse d'acier à la suite de l'accident. Il résiste encore, car il est tenace et plein de la vie artificielle qui lui a été donnée un jour, il y a maintenant quelques années. La poupée tourne lentement la tête vers lui et lui sourit. Elle sait ce qui va se passer. Elle est prête à effectuer les gestes qu'il faut, au moment précis où il le faut, comme il le lui a appris. Le robot renonce une fois de plus, s'approche de la table et commence à caresser la poitrine de la poupée. Un tableau vu à Londres, au musée d'Orsay ou ailleurs, et des joueurs de cartes dessus et des cartes sur un tapis. Du rouge et du noir sur du vert. Tout va bien, tout se passe bien, c'est juste un jeu. Les joueurs se regardent sans se voir et attendent les prochaines cartes et les espèrent. On voit, à l'intérieur de leur tête, les cartes attendues, pas les mêmes dans chaque tête. Du noir ou du rouge ou des couleurs. Mais les voilà qui pâlissent, se noient dans leur cerveau, dans le gris. Le gris arrive partout, envahit tout. Non. Pas le gris, pas le gris.